n'avais plus à confesser. Pourquoi dois-je regretter d'aimer les femmes et l'ivresse? C'est vous qui me les donnez. Et si la fille qui partage chaque nuit mon traversin n'est pas une fille sage, j'aime ça, il ne me veut rien. Notre père de là-haut, qui part de mes autres catins, j'ai mérité les enfers, car je ne regrette rien. J'ai vidé jusqu'à la lie la coupe des blanches nuits et pratiqué la charité à ma prochaine sans compter. Si j'ai dit l'acte d'espérance, c'est pour que mes lendemains soient emplis de chants de danse. J'aime ça, il n'y peut rien. Notre père de là-haut, qui pardonne les autres catins, je méritais les enfers, car je ne regrette rien. Je n'irai pas au paradis, c'est toi ma lune de miel, notre royaume est la nuit, et tu es mon septième ciel. Pour mon acte de contrition, oh, j'ai d'autres mots moins communs, les 8 lettres de ton nom, je les aime, il n'y peut rien. Notre père de là-haut, qui pardonne les autres catins, j'ai mérité les enfers, car je ne regrette rien.